un virus similaire à celui de la polio, cause de paralysie des membres parmi des jeunes Californiens. Une vingtaine de petits Californiens ont contracté un agent pathogène mystérieux qui, comme la polio, a attaqué leur système nerveux. 5 ont perdu l'usage d'un ou de plusieurs membres. 28 février 2014, au cours des 18 derniers mois, environ 25 enfants de Californie ont été frappés par un virus mystérieux, similaire à celui de la polio, qui a causé la paralysie des membres de 5 petites victimes. Ce virus serait de la même famille que la polio. La polio a été éradiquée dans la plupart des pays de la planète, y compris aux États-Unis, suite à la mise au point d'un vaccin dans les années 1950. Quelques foyers persistent néanmoins en Afghanistan, au Pakistan, en Syrie et au Nigeria. D'où la stupéfaction et l'inquiétude des experts lorsqu'une vingtaine d'enfants dans le sud de la Californie et la baie de San Francisco ont contracté un agent pathogène mystérieux qui, comme la polio, a attaqué leur système nerveux central, entraînant la paralysie. 5 ont définitivement perdu l'usage d'un ou de plusieurs membres. Les médecins pointent du doigt un virus, mais n'ont pas encore confirmé sa présence dans tous les enfants. Il s'agirait de l'entérovirus 68, qui est de la même famille que le virus de la polio, mais il n'a été identifié que dans 2 cas seulement. Il existe plus d'une centaine d'entérovirus dans le monde entier, mais l'entérovirus 68 est rare, précise Stephen Tracy, professeur de pathologie et de microbiologie à l'Université du Nebraska à Omaha. Plus rare encore, dit-il, est ce phénomène de paralysie chez les enfants infectés. Les entérovirus sont très fréquents et causent beaucoup de maladies mineures, comme les rhumes, explique le docteur Tracy. D'autres pays ont signalé de nouvelles souches d'entérovirus, notamment en Asie et en Australie. Malheureusement, le vaccin contre la polio ne protège pas contre l'entérovirus 68, parce que les deux virus diffèrent, d'où l'inquiétude des médecins, qui signalent néanmoins que l'on devrait pouvoir mettre au point un autre vaccin. En se servant du modèle de celui de la polio, c'est fort possible. Nous savons comment développer des vaccins contre les entérovirus. Grâce aux travaux faits pour mettre au point les vaccins contre la polio, injectables ou administrés par voie orale, explique le docteur Tracy. À noter néanmoins que vu la rareté des cas d'entérovirus 68, les géants pharmaceutiques ne seront guère motivés à investir dans un nouveau vaccin. Entre-temps, les responsables de la santé recommandent une vigilance accrue aux parents. Moisson étonnante de planète pour le satellite Kepler. En analysant les données de Kepler, nous avons détecté et confirmé 715 nouvelles planètes, révèle Jason Rowe, du centre de recherche MS de la NASA, en Californie, 27 février 2014, grâce au satellite Kepler. 715 nouvelles planètes extrasolaires viennent d'être découvertes, a annoncé l'agence spatiale américaine, la NASA. En analysant les données de Kepler, nous avons détecté et confirmé 715 nouvelles planètes, révèle Jason Rowe, du centre de recherche MS de la NASA, en Californie. Pour parvenir à ces conclusions, Kepler a passé au peigne fin 150 000 étoiles. Une méthode de vérification nouvelle a permis aux scientifiques d'éliminer nombre d'incertitudes, pour parvenir au chiffre de 715, a déclaré un participant au projet, Jack Lee Sowers. Près de 94% de ces exoplanètes sont plus petites que Neptune, précisent les chercheurs, et la plupart sont très proches de leur étoile. Seules 4 d'entre elles, Kepler 174d, Kepler 296f, Kepler 298d et Kepler 309c, reçoivent moins de 1,5 fois le flux lumineux reçu par notre planète. Ces planètes sont dans la zone habitable de leur étoile et seraient entre 1,8 est 2,5 fois plus grande que la Terre. La mission de Kepler, qui a été lancée en mars 2009, est de scruter plus de 150 000 étoiles similaires au Soleil et situées dans les constellations du signe de la Lyre pour détecter des planètes similaires à la Terre. Plus de 3600 candidates ont été identifiées, dont 961 ont été confirmés comme étant bel et bien des planètes. Ces derniers travaux seront publiés le 10 mars dans la revue Astrophysical Journal, RDC. Katanga coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les chefs de milices congolais étaient accusés notamment de complicité de meurtre et pillage, commis il y a plus de 10 ans en Ituri, 7 mars 2014. La Cour pénale internationale CPI a rendu, à la majorité, ce vendredi 7 mars 2014, son jugement dans l'affaire Le procureur C. Germain Katanga. Les juges de la chambre de première instance de se sont dit convaincus, au-delà de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'ancien chef de milice congolais en tant que complice d'un crime contre l'humanité, meurtre, et de 4 crimes de guerre, meurtre, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage, commis le 24 février 2003, lors de l'attaque lancée contre le village de Bogoro, situé dans le district de l'Ituri en République démocratique du Congo, RDC. Toutefois, les charges de viol et d'utilisation d'enfants soldats ont été rejetées. Germain Katanga encourt une peine allant jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité, a précisé à la VOA Fadi El Abdallah, porte-parole de la CPI, basée à La Haye, aux Pays-Bas. Cette peine sera fixée après le 24 mars, la date butoir pour le procureur et la défense de faire appel du verdict. Les réparations pour les victimes seront aussi connues prochainement. Germain Katanga a été présenté comme le commandant présumé de la force de résistance patriotique en Ituri, FRPI. Il était poursuivi devant la chambre de première instance de composée des juges Bruno Cotte, Fatoumata Dembélé Diarra et Christine Van Den Wingaart pour avoir commis les crimes de meurtre, viol et réduction en esclavage sexuel en tant que crime contre l'humanité, et les crimes de guerre d'homicide intentionnel et le fait de diriger intentionnellement une attaque contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités. Les chefs d'accusation de destruction de biens, pillage, utilisation d'enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités, réduction en esclavage sexuel et viol avaient également été retenus contre lui. C'est le juge président Bruno Cotte qui a détaillé le verdict de culpabilité. Il a expliqué que Germain Katanga avait contribué de manière significative aux crimes commis par la milice Anguiti agissant de concert en aidant ses membres à mettre en place l'opération qui devait être lancée contre Bogoro. Les juges se sont dit également convaincus que M. Katanga avait été l'intermédiaire privilégié entre les fournisseurs d'armes et de munitions et les auteurs des crimes de Bogoro. Il a contribué aussi, grâce à la position qu'il occupait à Aveba, seule localité de la collectivité disposant d'un aéroport apte à recevoir des appareils transportant des armes, à équiper cette milice et à lui permettre de fonctionner de manière organisée et efficace. Écrit le juge Cotte, la CPI a aussi procédé à une requalification du mode de responsabilité de M. Katanga, initialement accusé d'être auteur principal, sur le fondement de l'article 25.3d du statut de Rome qui définit un cas de complicité par contribution de toute autre manière à la commission d'un crime par un groupe de personnes agissant de concert. La juge Van Den Wingaart a exprimé un point de désaccord au sujet de la requalification du mode de responsabilité de Germain Katanga. Selon un communiqué de la CPI, la juge a estimé que cette requalification avait rendu le procès inéquitable et méconnu les droits de la défense. Celle-ci n'ayant pas reçu une notification adéquate des nouvelles charges ni disposé d'une opportunité raisonnable de conduire une enquête pour répondre à ces charges, c'est le 17 octobre 2007 que M. Katanga avait été transféré au centre de détention de la CPI. À La Haye, son procès a démarré le 24 novembre 2009.